Chapitre 2. Le duel des races. Parce que le soleil approchait des eaux où chaque nuit il rafraîchit son feu, Akroun remit la poursuite au lendemain. Une seule route semblait bonne. Shtra, Yuk, Helgvor le croyaient comme Aigoun, et toutes les femmes l'indiquaient. « Demain, nous partirons pour le sud oriental, » fit le chef. On assemblait les branches et les herbes pour les feux du soir. Pendant la nuit, Helgvor s'éveilla. Le souvenir de Glava agitait sa chair. Il ne doutait point qu'elle voulût rejoindre Amao. Si l'expédition était rapide, peut-être pourrait-il gagner la presqu'île rouge avant elle. Cette espérance l'apaisait un moment. Puis la crainte des périls qu'elle allait courir lui contractait les côtes. Il la voyait terrassée par un fauve ou noyée dans le fleuve, et une désolation infinie l'enveloppait avec les ténèbres. Debout à l'aube, Akroun assembla les guerriers anciens pour leur dire « Les femmes ne pourraient pas suivre assez vite. Il faut qu'elles retournent avec quelques hommes à la presqu'île rouge. » Cette décision consterna quelques Ougmars, et l'un d'eux répliqua « Les Dzo ne reviendront-ils pas pour les reprendre ?» Les Dzo n'oseront pas, ils ont perdu trop de guerriers. Lorsqu'on choisit ceux qui devaient accompagner les femmes, Helgvor demanda à Ashtra de le proposer. Akroun et Haigoun s'y opposèrent l'un et l'autre. Au-delà des collines du sud oriental, la savane s'étendait interminablement. Océan d'herbes où vivaient les grands herbivores, où les mammouths, les chevaux, les aurochs, les mégacéros, les saïgas, galopaient dans la rudesse ardente des soleils, sous les nues voyageuses, par les tempêtes d'équinoxe et la férocité pâle des hivers. Vers les deux tiers du jour, on atteignit les mares près desquelles on avait retrouvé les Dzo, et l'on chercha les traces de la bande qui s'était écartée vers l'Orient. Au soir seulement, Acre, fils de l'Égagre, découvrit les cendres. Les chiens flairèrent, les hommes relevèrent des empreintes de pieds. « Il y a déjà plusieurs jours que les Dzo ont campé ici, » remarqua Ashtra. Un crépuscule de cuivre, d'améthyste et de malachite s'épanouissait dans les nuées occidentales où le croissant dardait ses cornes aiguës. Un vent très doux caressait les visages. Le chef était soucieux. Les traces au bord de la mare annonçaient une troupe nombreuse et Akroun comptait du regard les Ougmars et les Gois. Parce qu'il y avait abondance de chair rôtie, une confiance heureuse emplit les âmes. Les Gois, répandant une odeur lourde comme celle des boucs, dévoraient pêle-mêle les chairs et les entrailles. Il n'y avait pas de joie pour Helgvor. Toute la douceur du monde était perdue au fond des solitudes avec la fille des rocs. Shtra va lui dire, à voix basse, « Les yeux et les oreilles de Helgvor doivent veiller. Haigoun dressera des embûches. La même terre ne peut plus nous nourrir. » répondit Helgvor. Shtra combattra avec son fils. Yuk aussi. Sur ces âmes primitives, une tendresse passa, qui mêlait une bonté obscure à la rudesse des instincts. Shtra avait veillé avec ardeur sur l'enfance de ses compagnons. Homme indécis, guerrier médiocre, il s'attachait aux siens et à Akroun, dont il subissait l'ascendant avec le plaisir vague d'être dominé. Yuk lui ressemblait, et tous deux, sans effort, concentraient l'orgueil de leur race sur Helgvor. Malgré des passions plus vives, des haines plus profondes et des colères plus farouches, Helgvor partageait avec eux la faiblesse d'être aimant et parfois miséricordieux. Akroun aussi est l'ami de Helgvor, reprit Shtra après avoir regardé autour de lui. Il désire la mort de Haigoun parce que Haigoun veut saisir le commandement et tuer Akroun. Nous sommes les alliés du chef. Un lion parut sur un tertre et secoua sa crinière tandis que sa voix énorme menaçait l'étendue. On vit surgir des loups, des chiens, une panthère. Et la force des hommes dominait le désert. Même les mammouths, même le rhinocéros, reculeraient devant la flamme cramoisie, dominatrice de la terre. Par moments, les yeux de Helgvor se tournaient vers le nord du campement où se tenaient Haigoun et ses partisans. Le fils du loup dominait par la hauteur de sa stature et la masse de ses épaules. l'énormité de ses mâchoires et ses yeux féroces menaçaient les bêtes et les hommes. Il était dans l'esprit du chef comme un tigre dans une forêt. Il y eut des jours et des nuits. Les hommes marchaient vers leur destin. La savane s'entrecoupait d'arbres et parfois de bois qui annonçaient la sylve immense du sud oriental. On perdait parfois la piste. Bientôt les Ougmars ingénieux et les chiens aux narines subtiles retrouvaient la bonne voie. Toutefois, sans les cendres du campement, peut-être la recherche fut-elle égarée. Mais les tsos rallumaient chaque soir les feux. À force de scruter leur passage, on avait fini par savoir qu'il y avait plus de 60 guerriers et une vingtaine de femmes. Leur marche était bien moins rapide que celle des Ougmars, et le temps arriva où une demi-journée seulement sépara les deux hordes. Pour diminuer encore la distance, les Ougmars marchèrent plusieurs heures au clair de lune, qui avait atteint toute sa taille. Puis Akroun réunit les guerriers doués d'expérience, et il dit « Demain les Ougmars combattront. » Tous savaient que le combat serait formidable. « Les Ougmars doivent surprendre les Tsos, » continua le chef. Le plus ancien des guerriers demanda « Pendant la marche ou dans leur campement ?»« À la chute du jour, » conseilla Ashtra. « C'est ainsi que Helgvor a vaincu. »« S'il faut les surprendre pendant la marche, » reprit le chef, « ne faudra-t-il pas les devancer ?»« Haïgun les surprendra, » affirma le colosse. Haïgun est fort comme le roc, mais le roc n'est pas agile comme les lafs ou comme les loups. Helgvor est aussi rapide que le mégacéros. Le chef laissa les paroles s'évaporer. Voilà, dit-il enfin, ce qu'a fait Helgvor est bien. Les plus légers nous précéderont, et parce qu'il faudra une journée pour attendre les tsos, c'est près du soir qu'il faut les attaquer. Nous aurons la lumière qui rôde après que le soleil s'est enfoncé dans les lacs. Et ensuite la lune dans sa force. Donc Helvor et les plus agiles des Ougmars attireront des guerriers tsos hors du campement, et nous les surprendrons. Haïgun les écrasera avec la massue. Cette tactique déplaisait aux géants, mais elle parut bonne à la horde. Quels guerriers sont assez rapides pour accompagner Helgvor? Il y eut Akr, Ouam, Ebzam, tous trois dans leur jeunesse. Akr était le plus leste, Ebzam le plus lourd. Bzam combattra avec le clan, fit Helgvor. Il ne faut pas plus de 3 hommes. Avant le jour, nous partirons avec mon loup et mon chien qui connaissent le silence. Que ce soit ainsi, conclut Akroun. Haïgun dirigeait vers Helgvor une face homicide. Helgvor se leva 1 heure avant l'aube. La lune grossissait sur l'occident et prenait la couleur du cuivre. Akr et Ouam étaient prêts, tous deux maigres, avec des bras faibles et des jambes longues. Akr avait lutté à la course avec Helgvor. Pendant quelques saisons, leurs vitesses furent égales. Tantôt l'un, tantôt l'autre l'emportait. Puis la victoire de Helgvor fut continue. Il n'était pas probable que parmi les tsos aux jambes basses, aucun fût capable d'atteindre Akr. Mais quoique véloce, Ouam était moins sûr. Il fallait d'abord reconnaître la force des tsos, puis rejoindre la horde. Vers le soir seulement, Akroun ayant tendu l'embuscade, Helgvor devait attirer les tsos. Depuis la veille, les tsos avaient changé de direction. Ils retournaient vers l'occident, dans l'espoir sans doute de retrouver le fleuve. Sur les terres parcourues depuis plusieurs jours, l'inondation n'avait exercé aucun ravage. À peine si parfois, quelques ravins montraient une mare. Helgvor, le chien et le loup, suivait la piste comme si l'ennemi eût été visible. Les vestiges devinrent si nets qu'il fallait avancer avec une vive prudence. Par bonheur, il n'y eut guère de fourré, et presque partout les herbes étaient assez basses. Au milieu du jour, une chaîne de collines se dressa sur la plaine. Tandis qu'ils gravissaient les pentes, Helgvor et Akr relevèrent des vestiges nombreux. Enfin parvenus à la crête, les éclaireurs virent la horde ennemie et les femmes. La vue des femmes et des filles affolait Ouam, à qui les hommes des rocs avaient ravi sa compagne et ses jeunes sœurs. La haine bouleversait Akr, quoique sa femme fût parmi celles qu'avait reconquises le fils de Shtra. Parce que l'aventure se répétait, Helgvor était plus calme, et toutefois son cœur battait durement. « Il faudra descendre la colline par le ravin, dit-il, puis tourner les mares. Ayant mesuré le jour d'après la hauteur du soleil, il ajouta « Houam veut-il retourner vers les nôtres pour les avertir ?» Selon qu'il était convenu, les batteurs d'estrade avaient multiplié les signes de leur passage. Akroun ne devait avoir aucune peine à orienter sa marche. Houam ira avertir les guerriers. Tandis que Houam redescendait vers le nord occidental, Helgvor et Acre suivaient le ravin, puis contournaient les mares. Habiles à se cacher, rien ne pouvait déceler leur approche. Et d'ailleurs, les Tzou marchaient sans méfiance, confiants dans leur nombre. Ils allaient lentement. L'inondation avait rendu le voyage difficile. Beaucoup étaient là, quelques-uns blessés, et il fallait ménager les femmes. Grâce à la hauteur des herbes, aux tertres, aux buissons, aux bosquets d'arbres, Helgvor et Acre continuaient à suivre la horde. Elle s'arrêta alors que le soleil n'était pas rouge encore. Le campement choisi était redoutable. Protégé par des mares et une roche de porphyre, on n'y avait accès que par une issue étroite, facile à fortifier et à défendre. Des térébintes et des pins fournirent du bois en abondance pour les feux du soir. « Les Tzou sont puissants, » fit Acre avec inquiétude. « Les Ougmars n'attaqueront pas leur camp, » répondit Helgvor. Il eut un rire bas et reprit. Il serait dangereux de les attaquer par la hache ou par la massue, et aussi par la sagaie, car il faudrait s'exposer soi-même. Mais avec son arc, Helgvor peut les atteindre sans être à leur portée. Il avait posé sa main sur l'arc, et Acre savait que le fils de Shra était de beaucoup le meilleur tireur parmi les Ougmars. Les Tzou continuaient à accumuler des branches, et quelques-uns se dirigeaient vers le buisson. Quoiqu'il fût improbable qu'ils vinssent jusque-là, Helgvor et Acre reculèrent dans les hautes herbes. Le chien et le loup suivirent, accoutumés maintenant à la chasse aux hommes. Le soleil s'enfonçait dans le couchant comme un feu énorme quand Houam reparut. « Les Ougmars sont dans le ravin, » dit-il. Akroun avait choisi un lieu caverneux où les guerriers se dissimulaient. Quand il parut devant le chef, Helgvor remarqua « La distance est trop grande pour attirer les Tzou. » Helgvor nous guidera. Le fils de Shra mena les Ougmars dans un fourré, à 1000 coudées du campement des hommes des rocs. Le soleil avait disparu, la lumière mourait lentement sur la savane. Il faut attendre le lever de la lune, dit le chef. Que veut Helgvor? Un second arc et beaucoup de flèches. Derrière les feux des Tzou, plus étincelants à mesure que s'obscurcissait le crépuscule, on apercevait distinctement les têtes épaisses et les grands visages fauves. Les femmes aussi étaient visibles et déjà trop soumises. Helgvor choisit un second arc, l'arc d'un guerrier au bras fort et dont peu d'hommes pouvaient se servir efficacement. On apporta aussi des flèches. Il essaya l'arc et le trouva à sa convenance. Ensuite, avec la patience des bêtes à l'affût, les Ougmars attendirent dans l'ombre. Au ciel nébuleux, ils ne virent trembloter ni la grande étoile bleue, ni la croix du Nord, ni l'étoile rouge. Et beaucoup, fermant les yeux, s'endormaient d'un sommeil léger. Enfin la lune apparut au ras de la savane, plongea son disque écorné dans les mares, tandis que les grenouilles élevaient leur voix de vieillard. Et Akroun dit « Que le fils de Shra s'apprête à partir. » L'astre, d'abord semblable à un nuage rouge, se condensa et devint une hache bien polie. Sa lumière fit de la savane un lac sans bornes. Déjà, suivi d'Acre, Helgvor rampait dans les herbes. Quand ils eurent franchi 800 coudées, Acre se terra, laissant le fils de Shra continuer seul sa route. Les Tzou commençaient à dormir. Quelques veilleurs accroupis se tenaient près de l'entrée du campement. Devant tant de guerriers, tous habiles à manier les armes, qu'eussent été le lion, le tigre ou le grand ours, les sagaies les eussent anéantis. Subitement, la seule présence redoutable se révéla. Un homme de haute stature venait de se dresser sur les herbes. Au signaux d'alarme, Xam, fils du sanglier, dressa son thorax épais. Les guerriers, éveillés en sursaut, s'étonnèrent et mugirent. La voix retentissante de Helgvor les menaça. « Les Ougmars viennent châtier les fouines puantes !» Les massues tournoyèrent, les sagaies dardèrent leurs pointes aiguës. Helgvor, avec un rire sauvage, saisit son arc et visa. La flèche perça la nuque d'un Tzou. les cris faiblirent. Une stupeur profonde immobilisa les hommes des rocs. Aucun arc des eaux n'eût envoyé une flèche à cette distance. Avançant de quelques pas, Helgvor tira encore. La flèche pénétra entre les deux côtes d'un guerrier. Sur l'ordre de Xam, les hommes se tapirent contre le sol. La troisième flèche passa, vaine. La quatrième atteignit une épaule. Ainsi, Helgvor rendait le campement intolérable, comme naguère aux ravisseurs arrêtés par l'inondation. Xam, n'apercevant qu'un seul guerrier, s'indigna dans son cœur et ordonna la poursuite. Méfiant toutefois, il n'envoya que 15 combattants contre l'étrange adversaire. Sentant que la temporisation était dangereuse, ceux-ci impétueusement prirent le galop. Helgvor attendit qu'ils fussent à demi-portée d'arc et tira 3 fois. La première flèche perça des entrailles, la seconde perfora un œil, la troisième se perdit. Plusieurs tsos ripostèrent. Une flèche écorcha la cuisse de Lugmar, qui, d'un élan, accrut la distance qui le séparait des adversaires. Acre se leva dans les herbes, ce qui inquiéta Leizo au point de ralentir la poursuite. Il envoya une flèche, sans résultat, et fit mine de fuir, tandis que Helgvor s'arrêtait. 5 hommes poursuivirent Acre. 8 s'efforçaient d'envelopper Helgvor, qui se déroba sans peine. Éparpillés en demi-cercle, farouches et résignés, car la vitesse du fugitif leur ôtait presque toute espérance, ils s'opiniâtraient. Alors il se porta vertigineusement sur la droite, où d'un coup de massue, il écrasa un guerrier isolé. Puis des flèches sifflèrent, et ils ne furent plus que 5. Il les railla avec amertume. Les zones ne sont pas même des hyènes. Les zones ne savent combattre que des femmes. Là-bas, Acre venait d'atteindre l'embûche. 20 Ougmars surgirent, terrifiant les eaux, qui se laissèrent égorger pendant que Helgvor abattait 2 ennemis encore. Maintenant, Xam connaissait que la nuit de la vie ou de la mort était venue. Les Ougmars, les Gois et les chiens hurlaient tous ensemble, et parce qu'ils avaient surgi de la solitude, sans que rien dénonçât leur approche, ils parurent terrifiques. Des souvenirs s'élevèrent dans les crânes des anciens, où la légende des Ougmars survivait, pleine de choses redoutables. Or, il fallait accepter la bataille. Les Ougmars arrivaient. Autour d'eux s'éparpillaient les chiens et les Gois aux oreilles aiguës. Une incertitude furieuse tremblait dans la poitrine du sanglier noir. Il songea à marcher à la rencontre de l'ennemi, mais le nombre des Tsos et le nombre des Ougmars étaient maintenant presque égaux, et il y avait ces hommes inconnus, noirs comme le basalte, ses chiens aux hurlements funèbres. Comme les anciens, Xam connaissait la légende des hommes du fleuve. Il savait que leur force est grande, leur agilité formidable. Lui seul, croyait-il, était plus redoutable qu'aucun Ougmar. Il résolut d'attendre l'attaque et fit accumuler les branchages à l'entrée du campement. Tapis derrière cette barricade, les guerriers étaient presque à l'abri des flèches et des saguets. Cependant, Akroun, ayant commandé la halte, examinait le campement. Il comprenait que l'assaut serait rude et coûterait beaucoup de vie. « C'est du bois que le feu aime à manger, » dit Helgvor, revenu parmi les siens. Akroun sourit au jeune homme. « Helgvor est aussi rusé que vaillant, » dit-il. Il fit donc assembler des branches et des rameaux secs, puis, des brandons au poing, les Ougmars reprirent leur marche. Arrivés près du campement, ils lancèrent leur feu. Des fumées jaillirent. Xam avait promptement deviné le but des ennemis. Pour éviter que le feu ne se répandît dans le camp, il fit allumer les branches du barrage et les flammes se heurtèrent. Des deux côtés, on attendit qu'il n'y eût que des cendres. Et puisque les Ougmars devaient traverser une zone étroite ou entrer dans les mares, Xam préféra attendre. Il clama, pour accroître le courage de ses guerriers, « Les hommes du fleuve bleu ont voulu mourir. Ils mourront. » Le cri de guerre des Ougmars répondit, mais Akroun se garda d'ordonner l'assaut. Il préféra charger les meilleurs tireurs et surtout Helgvor de harceler l'ennemi. Cette tactique était infaillible. Lorsque plusieurs tsos eurent succombé, le sanglier noir connut que l'attente était ruineuse et se résigna à l'offensive. Ce fut un bloc de corps, de haches, d'épieux, de massues et de saguets. Redoutant une panique, Akroun opposa l'attaque à l'attaque. La masse des Ougmars s'ébranla, tandis que les Gois se glissaient sournoisement sur les flancs de l'ennemi, qu'ils bombardaient de pierres aiguës. Les deux hordes s'entrechoquèrent. Des hommes jeunes et forts quittèrent successivement la vie. Haïgoun, Xam, Elgvor et les plus musculeux des antagonistes frappaient de la massue et fracassaient les os. D'autres, avec les pieux, faisaient jaillir les viscères. Beaucoup enfonçaient les sagaies dans les chairs tendres. D'abord, l'élan des Tso parut le plus fort, puis les Ougmars dominèrent. Haïgoun et Xam se trouvèrent face à face. Leur masse était égale. Ils avaient la poitrine profonde des ours, des épaules monstrueuses et des jambes comme des branches de chêne. Leurs massues se heurtèrent comme des rocs et le choc fut si rude que tous deux chancelèrent. Étonnés et chacun percevant la force immense de l'adversaire, ils s'observaient et méditaient des coups funestes. Plus impétueux, Haïgoun reprit l'attaque et sa massue eût broyé le crâne de Xam si l'autre n'eût esquivé le coup. De bien, le fils du sanglier noir porta un coup puissant. Un guerrier Ougmar détourna l'arme en frappant le bras du Tso, et Haïgoun, revenu à la charge, atteignit l'épaule puis les vertèbres. Xam roula sur la terre, où Haïgoun broya ses côtes et ses membres. Dès lors, les Tso s'épouvantèrent. Seuls quelques-uns continuaient à combattre. La masse eut l'âme des cerfs sous la griffe des léopards, des mégacéros éventrés par le tigre, et périt sans défense sous le tranchant des haches, le poids des massues, les pointes des épieux. Déjà, les gouas se gorgeaient de sang chaud. Akroun contempla les cadavres immobiles ou les agonisants dont la chair palpitait encore. Les femmes étaient venues, que ressaisissaient leurs compagnons, rouges de sang. « Les Ougmars sont forts, les Ougmars ont anéanti leurs ennemis !» proclama le chef, qui lança une sagaie vers les étoiles. Et les guerriers reconnurent sa puissance. Pendant longtemps, elle ne serait plus battue en brèche, car le héros, admiré par tous, était beaucoup trop jeune pour commander. « Akroun est un grand chef, » déclara solennellement Shtra. « Elgvor est un grand guerrier, » répondit le chef. Haïgoun, sombre, l'âme pleine de meurtre, épiait Elgvor. Le clan avait ramené les femmes vers la presqu'île rouge. Mais Elgvor, avec Yuk et Acre, cherchait la piste de Glava. La rive gauche n'ayant rien révélé, Elgvor avait songé à la rive droite et aux îles, surtout aux îles étroites et rocheuses où les bêtes sont rares. Acre explorait avec une sagacité ardente car il aimait à chercher des pistes et il recourait subtilement à l'aide du chien. Des jours se passèrent sans donner aucun indice, jusqu'au matin où Acre ramassa une sagaie à la pointe rompue. Imparfaitement taillée, ce n'était ni l'arme d'un gois qui n'employait que les pieux et les pierres aiguës, ni celle d'un homme du fleuve bleu. Plus tard, on découvrit une seconde trace. Cette fois, c'était dans une île. Elgvor, Acre et Yuk aperçurent descendre une peau d'écureuil, une carapace de tortue portant les traces de la flamme. Puis de nouveau, les vestiges disparurent.